بيدي انزل تتزل بين لعبة كنت لازم باتي ترو نسيسي زوت لا سنتي تي بروتيزي في دي ميرتش على ترين كوكو رافريسي تنزل لي لا في ناتيريل زوت تي بيزن علي علي ميم تتزل ناتال نون با في ادي ايير وزوت سالينا بابونو Quand tonton t'y racontait, vous m'attisez dit là-bas. Non, pas si compliqué, du monde qui vit nos mal. Ouais, pas si moque manger là-bas. Ici, monsieur, la boutique, si pénal, alors on pas manger. Non, pas si moque non, ni là-bas. Je te paradis fin vendé, je ne suis pas nécessaire. Et ce n'est pas il perdit. Famille là-bas, il tient disparaît. Oui, ma ça fait les gars fait mal. Quand on fait la bouffine arriver, un bouquet flippé n'a plus d'eux. Qu'est celui qui dit Piaggi? Qui fait une grande famille là-bas, il tient disparaît. Oui, ma ça fait les gars fait mal. Quand on fait la bouffine arriver, un bouquet flippé. En partie trop nécessaire. Cette la santé tu protéser, puis des merdes à la traîne. Beaucoup rafraîchi, tiens, je lis la vie naturelle. Je tu bisais aller à lui-même, et tu dis le natal. Non, pas vie à dire hier, vous êtes salé, n'a pas pour nous. Un grand tonton tu racontais, vous m'attisez là-bas. Non, pas si compliqué, du monde tu vives normal. Manger là-bas. Ici, monsieur, la boutique, si pénal, alors, on pas manger. Non, pas tu moques, non, ni là-bas. Je te paradis, fin vendé, je te nécessaire. Et ce n'est pas il piati, qui fait une grande famille là-bas, qu'il tient disparaît. Vraiment, ça fait les guerres, fait mal, qu'on fait l'amour.